hello, hello, hello. Million dollars, bébé, tu bosses pas. J'suis gang, gang, oh, gang, gang. Boy, ne joue pas, bang, bang, bang. J'suis gang, gang, oh, gang, gang. Boy, ne joue pas, bang, bang, bang. Oh, clap, clap, clap, clap, pookie. Ferme la porte à la cookie dans le sas. Bla bla bla bla cookie. Cookie. Ferme la porte à la cookie dans le sas. Cookie. Cookie. Ferme la porte à la cookie dans le sas. Cookie. Cookie. Cookie. Ferme la porte à la cookie dans le sas. Bra bra when I hit it from the side. High speed chase on I-95. Don't come outside, I got 9 bitches trying to fuck me in the line. Tell her get gone, ooh, I'm on. 6 chains on like Post Malone. Phew, go, do your thing. I don't know you, you ain't gang, gang, gang. $1,000 pants, Alexander McQueen. She a leader, she's booted on Buckhead. First call ever was a hurricane. Freaking different bitches every day, it felt like it was my birthday. Blah, blah, blah, blah, boogie, boogie. Ferme la porte, blah, blah, boogie dans le side. Blah, blah, blah, blah, blah, boogie. La porte à la cookie dans le sas. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Oh, bébé, bébé du sale, allô, allô, allô. Million de dollars, bébé, tu bosses pas.